الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Chers frères et sœurs, nous allons voir aujourd'hui les dernières causes d'augmentation de la récompense de nos bonnes actions mentionnées par l'éminent Cheikh Abd al-Rahman ibn Nasir al-Nisyadi rahimahullah ta'ala dans cette courte épître. Nous en sommes à la 14e cause et il a dit: et parmi les moyens les plus importants par lesquels la récompense des actions augmente, il y a le fait de s'efforcer à concrétiser la station de la bienfaisance, al-ihsan, et de la muraqaba. Et on va expliquer à quoi cela correspond. Ainsi que la présence du cœur au moment de l'action. Plus ces moyens sont forts, plus la récompense est abondante. C'est pour cela qu'il est venu dans le hadith: tu n'as de ta prière que ce que tu as compris, que ce que tu as fait d'un cœur présent. Donc le Cheikh rahimahullah ta'ala attire ici notre attention sur trois choses à concrétiser qui permettent au serviteur d'accomplir son action de la manière la plus complète et d'obtenir ainsi une récompense augmentée. Les deux premières choses sont la bienfaisance et la muraqaba. Et celle-ci consiste à être conscient qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe au moment où tu fais l'action. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a défini la bienfaisance en disant: c'est que tu adores Allah comme si tu le voyais, et si tu ne le vois pas, lui certes te voit. Tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme si tu le voyais. Ceci te pousse à être bienfaisant dans ton action, à l'accomplir de la meilleure manière afin d'obtenir l'agrément de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et si tu ne le vois pas, alors rappelle-toi et sois conscient que lui te voit. Il t'observe et il est témoin de chacune de tes actions. Et c'est ceci la muraqaba. Être conscient que nous sommes observés par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est témoin de chacun de nos faits et gestes. Il a dit subhanahu wa ta'ala dans son noble livre: وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ. Tu ne te trouveras dans aucune situation. Tu ne réciteras aucun passage du Coran et vous n'accomplirez aucune action sans que nous ne soyons témoins au moment où vous l'accomplissez. Au moment où tu accomplis cette action, Allah subhanahu wa ta'ala est témoin de ton action. Il te voit, il t'observe, il t'entend. Donc concrétiser cela va t'aider à parfaire tes paroles et à parfaire tes actes. Si tu as conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, qu'Allah subhanahu wa ta'ala entend tout, qu'il voit tout, qu'il sait tout, si tu as conscience de cela dans chacune de tes actions, que ce soit durant tes prières, durant tes lectures du Coran, durant le rappel d'Allah, durant tes invocations, même lorsque tu fais une aumône ou accomplis toute autre adoration. Si tu as conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe, ceci va t'aider à parfaire cet acte que tu accomplis, à t'écarter de tout manquement, à faire en sorte que cet acte soit accompli de la meilleure manière. Et si tu agis ainsi, ceci va te permettre d'accomplir ton acte à la perfection et ainsi d'augmenter la récompense de cette action. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné ici une troisième chose à concrétiser, qui est la présence du cœur. Que ton cœur ne soit pas distrait et insouciant au moment de l'action. Et pour ce faire, tu devras réunir tes pensées et te concentrer sur l'action que tu accomplis. Tu ne penses pas à autre chose, tu penses seulement à l'action que tu as accomplie, à la récompense de cette action, celle que tu espères venant d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu penses à la grandeur de celui que tu adores. C'est cela la présence du cœur. Et cela est demandé lors de la prière, mais aussi lors de la lecture du Coran, lors du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, lors de l'invocation et autres parmi les adorations. En ce qui concerne l'invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith: sachez qu'Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait. Allah ne répond pas à l'invocation d'un cœur distrait. Un cœur qui n'est pas concentré sur ce que la langue prononce comme demande, comme sollicitation. Et combien sont ceux qui, lorsqu'ils invoquent, ne font que répéter des mots, machinalement, en ayant le cœur distrait, sans être concentrés sur ce qu'ils disent, et parfois même sans comprendre les mots qu'ils prononcent. En invoquant de cette manière, ils se privent d'un bien immense, ils se privent de la réponse à cette invocation. Tu dois impérativement, lorsque tu t'adresses à ton Seigneur, le faire d'un cœur présent, t'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala, manifester ton indigence, ton besoin de ton Seigneur. Car la distraction du cœur est une cause pouvant te priver de biens abondants ici-bas et dans l'au-delà. Car comme l'a dit l'auteur, rahimahullah, plus ses moyens sont forts, plus la personne va faire preuve de bienfaisance dans ses actions, plus elle aura conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'observe et agira en conséquence de cela en veillant à parfaire ses actions. Et plus son cœur sera présent, plus la récompense sera grande. Et inversement, plus la personne sera distraite, insouciante, ne pensera pas à Allah au moment de l'action, n'aura pas conscience qu'Allah l'observe et agira de manière insuffisante en faisant preuve de négligence dans cette action, plus la récompense sera faible. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné l'exemple de la prière. Il a cité un hadith rapporté en ces termes, « Tu n'as de ta prière que ce que tu en as compris, c'est-à-dire que ce que tu as fait d'un cœur présent. » Et il est à souligner ici que ce hadith ne remonte pas jusqu'au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains savants ont attribué cette parole à Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma. Toutefois, le sens de cette parole est correct et il est confirmé par d'autres textes. En effet, celui qui prie d'un cœur distrait, il perd une grande part de la récompense de sa prière. Si lorsqu'il récite la Fatiha, il n'est pas concentré sur le sens de la Fatiha, il perd une part de la récompense de sa prière. Si lorsqu'il invoque, il a le cœur distrait, il perd une part de la récompense de sa prière, et ainsi de suite. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith qui est lui confirmé, l'homme termine sa prière et on ne lui inscrit que le dixième de sa prière, c'est-à-dire que le dixième de la récompense de sa prière. Le neuvième, le huitième, le septième, le sixième, le cinquième, le quart, le tiers ou la moitié. Il termine sa prière et il se peut qu'il n'ait que le dixième de la récompense de sa prière. Pourquoi ? En fonction, premièrement, de la concrétisation des deux conditions que l'on a mentionnées précédemment, qui sont la sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Plus il aura concrétisé cela, plus sa récompense sera grande. Mais aussi, cela est en fonction de la présence du cœur dans cette prière. Est-ce qu'il était concentré sur sa prière ou alors est-ce qu'il pensait à son travail, à son argent, à ses loisirs, à ses vacances ou je ne sais quoi? Donc l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit ensuite, la prière ou autre action semblable, c'est-à-dire parmi les adorations, bien qu'elle soit valide lorsque la personne la fait sous sa forme apparente, en accomplissant ses obligations apparentes et cachées, la perfection de l'acceptation et de la récompense, l'augmentation des hasanats, l'élévation en degré, l'expiation des péchés et l'augmentation de la lumière de la foi, tout cela est en fonction de la présence du cœur au moment de l'adoration. Tout cela est en fonction de la présence du cœur au moment de l'adoration. L'auteur, rahimahullah ta'ala, attire ici notre attention sur une chose qui échappe à beaucoup d'entre nous, qui est que l'on ne doit pas se soucier simplement de la validité de nos actions. Nombre de personnes font la prière et veillent à remplir les piliers, les conditions, les obligations, ainsi de suite, mais ne vont pas plus loin. Et en réalité, on doit chercher après cela à s'élever en degré par cette action, par cette prière ou autre, en l'accomplissant de la meilleure manière, et entre dans cela le fait de redoubler d'efforts pour accomplir l'action d'un cœur présent. Plus le cœur sera présent, plus la récompense sera grande et inversement. Si tu souhaites que cette action soit récompensée d'une récompense augmentée, qu'elle te permette d'obtenir de nombreuses hasanats, qu'elle t'élève en degré auprès d'Allah, qu'elle expie tes péchés, qu'elle augmente la lumière de la foi dans ton cœur, alors fais cette action d'un cœur présent. Si tu es distrait, tu ne vas que très peu profiter de ces adorations que tu accomplis. Donc veille à avoir un cœur présent, afin de profiter des actions que tu fais pour te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci a amené l'auteur à mentionner une quinzième cause parmi les causes de l'augmentation de la récompense de nos actions. Et il a dit, rahimahullah, c'est pour cela qu'il fait partie des causes de l'augmentation de la récompense de l'action, qu'elle procure un effet bon et profitable au serviteur, qu'elle augmente sa foi, adoucisse son cœur et lui procure la sérénité. L'obtention de ces sensations louables pour le cœur fait partie des effets de l'action. En effet, plus les actions sont complètes, plus leurs effets sur les cœurs sont bons. Et c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala que provient la réussite. Donc le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous explique ici que l'action que tu fais pour te rapprocher d'Allah, si tu l'accomplis de la meilleure manière possible, plus tu vas parfaire cette action, plus elle va te procurer des profits et des avantages pour ta religion et ta vie d'ici-bas. Et parmi les profits les plus immenses, il y a l'augmentation de ta foi. En effet, il fait partie de la croyance des gens de la sunna et du groupe que la foi augmente et diminue. La foi augmente par l'obéissance à Allah et elle diminue par la désobéissance à Allah. Plus la personne fait de bonnes actions, plus sa foi va augmenter. Et plus la personne commet de péchés ou délaisse des bonnes actions, plus sa foi va s'affaiblir et diminuer. Donc si tu fais une œuvre sincère pour Allah, conforme à la sunna, et que tu fais cette œuvre d'un cœur présent, celle-ci aura forcément un effet positif sur ta foi. Et tu verras alors ta foi augmenter. Et si ta foi augmente, tes récompenses vont aussi augmenter, incha'Allah ta'ala. Pourquoi ? Pourquoi les récompenses vont augmenter suite à l'augmentation de la foi ? Car celui qui a la foi forte, il sera plus enclin et plus motivé à faire le bien que celui qui a la foi faible. Plus ta foi va monter, plus tu auras de facilité à accomplir le bien et les bonnes actions. Donc tes récompenses vont augmenter, incha'Allah ta'ala. Et c'est pour cela que les savants ont dit qu'il fait partie de la récompense de la bonne action que tu puisses accomplir une autre bonne action après celle-ci. Parmi les avantages et les effets de la bonne action également, il y a l'adoucissement du cœur. Et ceci est aussi un bénéfice immense. Car la dureté du cœur prive le serviteur de beaucoup de biens. Cela le prive souvent de l'humilité, de la compassion, de la bienveillance, de l'indulgence. Cela l'empêche aussi de tirer profit des exhortations et de l'écoute ou la lecture du Coran. Celui qui a un cœur doux, tu verras que lorsqu'il est exhorté, il est rapidement touché. Il est touché lorsqu'il entend un rappel. Touché lorsqu'on le rappelle à Allah subhanahu wa ta'ala. Touché lorsque on le conseille. Et il va rapidement pleurer à l'écoute du livre d'Allah, à la lecture du Coran, en raison de la douceur de son cœur, contrairement à celui qui a le cœur dur, qui n'est pas touché par les rappels. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Donc celui qui a un cœur doux, son cœur sera enclin au bien, enclin à la compassion, enclin à la bienveillance, à la clémence, au pardon, et ainsi de suite. Donc il va augmenter en termes de récompense auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, car de nombreuses œuvres vont lui être facilitées. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a cité un autre avantage parmi les effets de la bonne action qui est la sérénité et la tranquillité du cœur. C'est-à-dire que le cœur se tranquillise et s'apaise par quoi ? Par le rappel d'Allah. Et ceci est un bienfait immense pour le serviteur. Car cela va le pousser à multiplier le rappel d'Allah, multiplier la lecture du Coran, multiplier les prières, car c'est en cela qu'il trouvera la sérénité et l'apaisement. Donc il va se diriger vers cela afin d'apaiser son cœur et de le tranquilliser. Et tout ceci fait partie des effets de la bonne action, qui vont permettre au serviteur de purifier son cœur, de s'élever en degré par l'accomplissement d'autres nombreuses bonnes actions et d'augmenter ainsi ses récompenses auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné une 16e cause et il a dit « Et parmi les moyens subtils de l'augmentation, il y a que la dissimulation de l'action peut être une cause d'augmentation de la récompense. » Le shaykh, rahimahullah ta'ala, nous explique ici que faire la bonne action secrètement peut être une cause d'augmentation de la récompense de cette action. Et ce car en agissant secrètement, le serviteur va se préserver de l'ostentation. Et il est plus à même, lorsqu'il est seul, loin du regard des gens, d'être sincère et de vouer son action exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc sa récompense augmentera en raison de sa concrétisation de la sincérité. Et l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné deux exemples et il a dit « En effet, il y a, parmi les sept, qu'Allah couvrira sous son ombre. Un homme qui a donné une aumône et l'a dissimulée de sorte à ce que sa main gauche ne sache pas ce que dépensait sa main droite. » Subhanallah, tellement il dissimulait son aumône que la main gauche ne savait pas ce que dépensait la main droite. Et ce en raison de son désir à ce que son œuvre ne soit vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Puis il a dit, rahimahullah, et parmi eux, un homme qui a évoqué Allah alors qu'il était seul et qui a pleuré. Il est seul, nul ne le voit, nul ne l'entend. Il fait du dhikr, il se rappelle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il aime Allah. Il désire la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et lorsqu'il pense à Allah, son cœur est touché. Alors il se met à pleurer. Et ce en raison de sa sincérité pour son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Donc ce hadith, ou les deux passages de ce hadith, qui est un hadith authentique rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala, cela nous démontre le mérite d'agir secrètement, à l'abri du regard des gens, de ne pas parler de tes bonnes actions, de ne pas chercher à travers tes actes les éloges et les compliments des gens. Toutefois, il se peut que dans certaines situations, il soit plus louable et plus méritoire d'agir publiquement. C'est pour cela que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné la 17e cause, et il a dit, et de la même manière, faire l'œuvre publiquement peut être une cause d'augmentation de la récompense, comme pour les actions sur lesquelles on sert d'exemple et de modèle. Donc de la même manière qu'agir secrètement peut être une cause d'augmentation de la récompense. Agir publiquement peut aussi être une cause d'augmentation de la récompense. Et comment savoir qu'est-ce qui est meilleur et qu'est-ce qui te permettra d'augmenter la récompense de ton action? On dira que la base est d'agir secrètement afin de concrétiser la sincérité. Mais on regardera s'il y a un avantage à agir publiquement dans certaines situations. Comme c'est le cas de celui qui peut être suivi, celui qui sert de modèle. Les parents devant leurs enfants, par exemple. Ils leur servent de modèle. Donc, ils ne vont pas leur cacher l'ensemble de leurs actions. Imaginez qu'un père ou une mère se cache pour prier la nuit, se cache pour lire le Coran, et ainsi de suite. Et que ses enfants, et que leurs enfants ne les voient jamais prier ou lire le Coran, et ainsi de suite. Ceci aura des conséquences néfastes et mauvaises sur ses enfants. Ils ont plutôt besoin d'eux. Voir des modèles de bien, de voir des parents dans l'obéissance à Allah, en train de prier, de faire du dhikr, de lire le Coran, de faire le bien, et ainsi de suite. Donc dans cette situation, agir publiquement, c'est-à-dire devant ses enfants, est plus profitable et permettra davantage l'augmentation de la récompense, car les enfants vont suivre leurs parents. Et de la même manière, celui qui est suivi, celui qui sert de modèle, l'homme de science, celui qui est aimé par les gens, que les gens estiment, et ainsi de suite. C'est pour cela qu'on rapporte de certains compagnons, radiyallahu anhum, qu'ils faisaient certaines de leurs actions publiquement afin d'être vus par les gens et suivis en cela. Et ceci ne concerne pas toute personne. Les gens sont différents à ce sujet. Si tu sais qu'en faisant ton action publiquement, personne ne va faire attention à toi ni te suivre en cela, alors cache ton action, ne le montre pas. Mais si tu sais qu'en la faisant publiquement, tu vas être suivi, d'autres vont en faire de même. Tu vas motiver certaines personnes à faire cette action. Que ce soit une prière, une aumône, un jour de jeûne, l'étude de la science et ainsi de suite. Alors, il n'y a pas de mal si ton intention est sincère et véridique à montrer cette action dans cette situation et ceci te permettra d'avoir une récompense abondante auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, une récompense augmentée. Car tu auras la récompense, comme on l'a vu dans un cours précédent, de ceux qui t'ont suivi sur cette action. Ensuite, le cheikh, rahimahullah ta'ala, a dit « Et ceci entre sous la règle connue qui dit « Il peut y avoir des avantages dans une action moindre qui la rendent meilleure qu'une autre action. » Comme on a dit, la base est de cacher l'action afin de concrétiser la sincérité. Mais les avantages qu'il y a dans le fait de la rendre publique peuvent parfois être si grands que l'action publique devient meilleure que l'action faite secrètement. Et on pourrait donner aussi un exemple que j'ai déjà mentionné dans plusieurs cours qui concerne l'aumône. Si une personne vient et demande l'aumône, une personne dans le besoin, et que tu lui donnes l'aumône secrètement, que personne ne te voit. Il se peut que tu sois le seul à lui donner l'aumône. Alors que si tu le fais publiquement, cette personne vient et demande l'aumône, et tu te lèves et devant les gens, tu donnes l'aumône à cette personne. Il se peut que les personnes présentes te suivent dans cette action, et que cela les motive à en faire de même. Donc dans cette situation, faire cette aumône publiquement sera meilleur que la faire secrètement. Et les situations sont différentes et à chacun d'observer dans chaque situation ce qui est le meilleur pour elle auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a conclu cette épître en disant « Et les savants rabbaniyin s'accordent sur le fait que se parer en tout moment d'une forte sincérité pour Allah, de l'amour du bien pour les musulmans, tout en s'adonnant au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors ceci n'a pas d'équivalent parmi les actions. Ces adeptes sont les premiers à atteindre tout mérite, toute récompense et toute rétribution, et les autres actions les suivent. Les adeptes de la sincérité, de la bienfaisance et du rappel d'Allah sont les premiers et les rapprochés dans les jardins des délices. » Le Cheikh rahimahullah ta'ala nous explique ici que les actions les plus méritoires, les plus immenses, les plus pures, celles aux plus grandes récompenses, sont celles de ceux qui se parent des trois caractéristiques qu'il a mentionnées. Et ces trois caractéristiques, quelles sont-elles? La première est une forte sincérité pour Allah. Comme on a vu, ceci est la base et c'est sur cela que repose la validité de toutes nos actions. Et plus la personne sera sincère, plus la récompense de son action sera augmentée. La deuxième caractéristique est l'amour du bien pour les musulmans. Et ceci est une caractéristique louable qui fait partie de la perfection de la foi et qui permet la concrétisation de notre fraternité religieuse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith « Nul parmi vous n'aura la foi tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Est-ce que tu aimes pour tes frères ce que tu aimes pour toi-même? Est-ce que tu aimes le bien pour eux comme tu l'aimes pour toi-même? Est-ce que tu leur souhaites le bien? Est-ce que tu leur souhaites l'élévation en degré, les bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà? Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous encourage à concrétiser notre foi en étant bienveillants les uns envers les autres, en faisant preuve de compassion et de clémence les uns envers les autres, en s'aimant les uns les autres en Allah subhanahu wa ta'ala, et en étant solidaires. Dans un autre hadith, il dit sallallahu alayhi wa sallam, le croyant est pour le croyant comme un édifice. Ils se soutiennent les uns les autres. Et ceci nous encourage à ne pas avoir un désir des profits individuels seulement, mais à veiller au profit collectif, au profit pour la communauté. Lorsque tu agis, ne pense pas qu'à ta personne, pense aux autres aussi. Ne cherche pas seulement à ce que le profit se limite à ta personne ou aux gens de ton entourage, mais veille à ce que le profit soit le plus grand possible. Pense à ta communauté, pense à tes frères et sœurs. Est-ce qu'il y a un bien pour la communauté dans ce que tu fais? Est-ce qu'il y a un profit pour tes frères et sœurs en religion? C'est cela la solidarité qui nous est demandée, d'avoir une pensée collective, de penser à la communauté et pas seulement à nos propres personnes. Et ceci fait partie des caractéristiques les plus louables, l'amour du bien pour les musulmans. Et la troisième caractéristique que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnée est de s'adonner au rappel d'Allah. Entre dans cela le fait de multiplier le dhikr. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Et ainsi de suite parmi les formules de rappel. Et plus particulièrement, celles qui sont légiférées à des moments particuliers comme les adhkars du matin et du soir, les adhkars après la prière, en entrant chez soi, en sortant de chez soi, et ainsi de suite. Et de manière plus générale, le rappel d'Allah a un sens plus large et qui englobe tout acte par lequel tu te rapproches d'Allah. La prière fait partie du rappel d'Allah. L'aumône fait partie du rappel d'Allah. Le jeûne fait partie du rappel d'Allah. Le pèlerinage fait partie du rappel d'Allah. La bonté envers les parents fait partie du rappel d'Allah. La bienfaisance envers son époux ou son épouse fait partie du rappel d'Allah. La bienfaisance envers son voisin fait partie du rappel d'Allah et ainsi de suite parmi les actions par lesquelles on se rapproche de notre Seigneur. Donc ces trois caractéristiques que l'auteur rahimahullah ta'ala a mentionnées, avoir une forte sincérité pour Allah, l'amour du bien pour les musulmans et s'adonner au rappel d'Allah celui qui se pare de ces trois caractéristiques, il n'y a pas de doute qu'il sera parmi les premiers à atteindre tout mérite, toute récompense et toute rétribution. Car sa sincérité va le pousser à agir. L'amour du bien pour les musulmans va le pousser à la bienfaisance, à de nombreuses bonnes actions. Et comme il va s'adonner au rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera sans cesse en adoration. Donc ceux qui se parent de ces caractéristiques, on les rend les plus éminents auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il dit un jour, s'adressant à ses compagnons, « Ne vais-je pas vous indiquer la meilleure de toutes vos actions, la plus méritoire, celle qui est la plus pure auprès de votre souverain, celle qui vous élève le plus en degré, en rang, celle qui vaut mieux que de dépenser l'or et l'argent, et qui est meilleure pour vous que d'affronter vos ennemis en frappant leurs coups pendant qu'eux-mêmes frappent les vôtres. » Meilleur que la lutte sur le sentier d'Allah. Les compagnons, radiyallahu anhum, dirent alors, « Messie au messager d'Allah. » Il répondit, « Le rappel d'Allah. » Le rappel d'Allah. Celui qui se rappelle sans cesse d'Allah, subhanahu wa ta'ala, il aura un cœur pur, un cœur vivant, un cœur enclin à l'adoration d'Allah, un cœur enclin à tout bien le rapprochant de son Seigneur. Il fera donc partie des rapprochés d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et des gens du paradis qui seront dans les jardins des délices. Et je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de me compter ainsi que vous parmi eux. C'est donc ainsi que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a terminé cette courte épître très bénéfique, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le récompenser de la meilleure des récompenses, de lui faire miséricorde, de le lever en degré dans son paradis et de lui pardonner l'ensemble de ses erreurs et de ses péchés. On a donc terminé par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la lecture de cette courte épître. Ce qui était juste provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et les erreurs et les manquements ne proviennent que de moi et du diable. Et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. Wa sallallahu sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin wa jazakumullahu khayra.